Chapitre 6e. Bien qu'elle se fût couchée tard et qu'elle n'eût pas très bien dormi, Gros Milord ne pouvant pas étendre sa chaleur d'une façon aussi complète qu'une couverture de laine, Angélique était levée avant le jour. Elle commença par l'écouter à la porte de son voisin. Puis, n'ayant rien entendu, elle revint chez elle, et après avoir allumé le feu de son fourneau, elle se mit à faire son ménage vivement mais avec soin, la fenêtre grande ouverte. Quand elle eut fini, elle alluma son poêle, et toutes choses étant ainsi en état, elle alla de nouveau à la porte du voisin. Il dormait toujours. La maison était éveillée. Par la cage de l'escalier montait un brouhaha dans lequel se confondaient les bruits qui sortaient de chaque logement par les portes entr'ouvertes. Angélique aperçut des voisines qui la veille étaient venues la voir. « Il était malade, » dit-elle à mi-voix. « Vous l'avez vu ?»« Oui, hier soir. »« Enfin, qu'est-ce qu'il avait ?»« Je ne sais pas. » Il avait eu un accès de fièvre, et aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Il a une belle chance que vous soyez sa voisine. Vous sortez, n'est-ce pas? Si vous vouliez me rapporter deux livres de gîte à la noix, avec des carottes et des navets, ça m'obligerait. Elle tira 3 francs de sa poche. En ne sortant pas, elle serait là quand il s'éveillerait, et dès le matin, elle pourrait mettre en train un autre pot-au-feu. Rentrée dans sa chambre, elle s'installa devant la table, et comme tous les jours, elle reprit son travail, l'oreille attentive au plus petit bruit qui viendrait de la chambre de son voisin, de façon à pouvoir lui tenir sa soupe prête pour quand il se réveillerait. Elle avait réfléchi et elle s'était arrêtée à ce parti. Si vraiment il craignait qu'elle entrât chez lui, il viendrait chez elle aussitôt qu'il serait éveillé. S'il ne venait pas, c'est que les idées de susceptibilité qu'elle lui avait supposées n'étaient pas justes et alors elle entrerait chez lui. Mais le temps s'écoula sans qu'elle entendît rien. Ce fut seulement vers 10 heures qu'un accès de toux lui apprit qu'il venait de se réveiller. Après avoir attendu un moment, ne le voyant pas arriver, elle jeta dans le bouillon tenu au chaud sur le poêle quelques tranches de pain coupées à l'avance, et elle lui porta cette soupe. Depuis la veille, elle avait beaucoup réfléchi à la situation de son voisin. Elle était arrivée à cette conviction que s'il avait commencé par être malade, ce dont il souffrait présentement, c'était de faim, de froid, et qu'il serait mort dans sa chambre si elle n'avait pas eu l'inspiration providentielle d'aller frapper à sa porte. Quoi de meilleur contre la faim et le froid qu'une bonne soupe grasse, bien chaude, au moins pour commencer? Celle de la nuit avait produit un effet salutaire. L'homme qu'elle trouva assis sur son lit ne ressemblait en rien au moribond qu'elle avait soutenu, qu'elle avait porté la veille. « Je crois que vous êtes mieux, » dit-elle avec joie. « Un peu, j'ai bien dormi. Alors mangez vite. » « Vous irez tout à fait bien après. » Et tandis qu'il mangeait vite, comme elle le lui avait recommandé, et même plus vite, elle continuait, mais sans regarder autour d'elle. Quand on a été malade et qu'on commence à se rétablir, on a grand faim. Cette soupe ne compte guère. Aussi j'espère que vous voudrez bien partager mon déjeuner. Vous trouverez une chambre chaude et cela vous vaudra mieux que de sortir. Le temps se met au dégel. Les rues doivent être impraticables. C'est très froid, la neige fondante. » Elle entassait toutes ces raisons justificatives de son invitation les unes après les autres pour vaincre les hésitations de son malade. Mais elle n'était vraiment que pour elle, car pour lui, il ne paraissait pas du tout disposé à un refus. « J'accepte. Cordialement, » dit-il, « comme vous m'offrez. Quand voulez-vous déjeuner? Mais quand vous voudrez. Tout de suite, j'ai très soif. Le temps de mettre la table ?» Vivement, elle revint dans sa chambre pour dresser le couvert. Elle ne pouvait pas lui servir à déjeuner sur le poêle comme dans la nuit, elle lui avait servi son bouillon. Ouvrant son armoire à linge, elle en tira 2 serviettes et en étendit une en guise de nappe sur la toile cirée dont elle se servait quand elle était seule. Dans un tiroir, elle atteignit 4 fourchettes en argent qu'elle ne sortait jamais de leur boîte où elle s'était brunie. Elle les frotta vivement pour leur rendre leur éclat et les mit sur la serviette bien blanche. Dans un étui, elle prit aussi un verre en cristal gravé et le mit à la place qu'elle destinait à son hôte. Ainsi dressé, son couvert avait un air de propreté qui la réjouit. Il pourrait manger de bon cœur. Lui-même fut prompt à s'habiller, et elle ne tarda pas à le voir entrer vêtu de sa longue houppelande doublée de velours. Son premier regard fut pour la table, sur laquelle se trouvait un morceau de bouillie froid flanqué d'un côté d'une boîte de sardines et de l'autre d'un pot de moutarde. « Ah ! Du bœuf, dit-il. Vous ne l'aimez pas? S'écria-t-elle avec une confusion inquiète. Aujourd'hui j'aime tout. La faim d'un convalescent. Elle allait l'engager à s'asseoir, mais il avait déjà pris le fauteuil, et il s'était installé de façon à prendre la meilleure place et accaparer le poêle. Comme Gromilor le gênait, il le poussa de la main. « Va donc, va donc !» Sans oser rien dire, Angélique le regardait, stupéfaite. « Le chat sera aussi bien ailleurs, » dit-il. Puis, sans autre explication, il se mit à couper le bœuf. « Asseyez-vous donc, » dit-il. Et en même temps, il lui mit dans son assiette le premier morceau qu'il venait de couper, celui qui était desséché et noirci pour être resté à l'air depuis la veille. Quant à lui, il se servit le second, qui était légèrement rosé et persillé de petites veines blanches, graisseuses. Puis il prit les sardines et en mit deux sur son assiette. Alors, les lui tendant, « C'est excellent avec le bœuf, » dit-il. « Je les préfère avant ou après, » répondit-elle. « Non, non, prenez-les avec, cela vaut mieux. » Sans attendre, il en mit deux sur son assiette. « Laissez-vous faire, croyez-moi, je m'y connais. » Elle se laissa faire en effet, mais ce ne fut pas sans une certaine surprise. Comme il se mettait facilement à son aise, comme il parlait vite en maître. Ou donc ses voisines avaient-elles vu qu'il avait une manière de regarder les gens de haut qui vous tenaient à distance? Après tout, cela pouvait être vrai. Et si maintenant il se montrait tout autre, c'était sans doute sous l'influence d'un sentiment de reconnaissance émue. Il était heureux du peu qu'elle avait pu faire pour lui, et il voulait le lui bien marquer. Cela était d'un bon cœur. En réfléchissant ainsi, elle le regardait. Elle n'avait jamais vu personne manger avec cette aisance. Il avait une manière de tenir sa serviette et de s'essuyer les lèvres après avoir bu qui lui paraissait l'élégance même. Il est vrai qu'elle ne savait pas au juste ce que c'était que l'élégance, mais enfin, c'était très bien. Et aussi son attitude, et encore sa façon de couper sa viande, de se verser à boire. C'était comme cela qu'on mangeait au théâtre, dans le Duc Job, qu'elle avait vu avec sa mère et qui était un des meilleurs souvenirs de sa jeunesse. Assurément, quand on mangeait ainsi, quand on avait ses manières, on était un personnage. Elle connaissait l'histoire de la marque des chemises surmontée d'une couronne de comte. Sans doute, c'était un vrai comte. Il avait eu des malheurs. Et il était venu à Bnunetilleul pour y cacher sa misère et y vivre avec économie. Il n'y avait point vécu. Sans elle, il serait mort de faim. Quelle aventure! Pour son imagination, quel mystère intéressant et touchant. C'était un personnage de roman. Elle avait lu quelques romans romanesques et comme cela arrive, pour ceux qui lisent un peu, restent longtemps sous l'influence de leur lecture, elle en avait été vivement frappée. Pendant ses longues journées solitaires, tout en tirant l'aiguille, elle se les était rappelées, elle se les était contées en les arrangeant au gré de ses idées et de sa fantaisie, récompensant les bons, punissant les méchants, ressuscitant les morts pour les marier. Mais jamais elle n'avait cru qu'elle verrait un héros de roman. Et voilà justement que ce voisin en était un. On disait dans la maison qu'il avait 50 ans, et c'était même cela qui, pour beaucoup, l'avait décidé à le recevoir chez elle. Car à ses yeux, et selon ses idées, un homme de 50 ans était vieux, bien vieux, très vieux, un vieillard. Et il n'avait rien à craindre d'un vieillard. Certainement, si elle l'avait entendu gémir, elle ne se serait point demandé quel âge il avait, avant d'aller à son secours. Mais certainement aussi, elle ne l'aurait point reçu, comme elle le recevait, si elle n'avait point cru qu'il était un vieillard. Eh bien, il n'en était point un. Il s'en fallait de beaucoup. Il n'avait pas 50 ans. À la vérité, son teint était pâle, ses lèvres étaient décolorées, ses joues étaient creuses. Mais c'était là l'effet de la maladie, de la souffrance, des privations, longtemps supportées, non celui de l'âge. On n'est pas vieux quand on a une double rangée de dents blanches, solides, intactes, comme celles qu'il montrait en mangeant. On n'est pas un vieillard, avec ses cheveux drus et noirs, avec cette attitude souple et droite, avec cette taille bien prise, avec cette prestance superbe, et cette main aux doigts allongée, à la paume molle et lisse, aux ongles transparents et rosés. Ce n'était pas non plus celle d'un vieillard, bien certainement, mais la plus belle à coup sûr qu'elle eût jamais vue, celle d'un grand personnage. Si elle avait pu se livrer ainsi à cet examen et suivre ses pensées librement, c'est que son malade, tout à sa faim, ne s'occupait qu'à manger et n'avait Dieu que pour son assiette. Il dévorait, il coupait la viande, il brisait son pain, il se versait à boire, et n'était nullement à ce qui se passait autour de lui. Mais il vint un moment où, après avoir englouti ses sardines et sa première tranche de bœuf, suivie d'une seconde, il s'arrêta un peu pour respirer. Et alors il promena un regard de curiosité par toute la chambre. La veille, il avait mal vu cet intérieur. L'abat-jour posé sur la lampe laissait des parties de la chambre entièrement dans l'ombre, et lui-même, dans l'état de faiblesse où il se trouvait, voyait mal et confusément toutes choses, tandis que maintenant, la force lui était revenue et il faisait jour. « Mais c'est très gentil ici, » dit-il. Elle sourit à ce compliment, toute heureuse. « C'est coquet. Surtout, c'est d'une propreté admirable qui doit vous donner bien de la peine. » Elle n'osa pas répondre, car elle avait toujours été très timide. Et elle se sentait en ce moment pleine de confusion, heureuse il est vrai, mais si embarrassée qu'elle n'osait parler, certaine que si elle disait quelque chose, ce serait une sottise ou une niaiserie, en tout cas pas du tout ce qu'il convenait de dire. « Vous travaillez ?» demanda-t-il. « Du matin au soir, et même souvent une bonne partie de la nuit. » Il regarda la table sur laquelle étaient dépliées des pièces d'étoffe pour se rendre compte du métier qu'elle exerçait. « Je suis repriseuse, » dit Angélique. « C'est un bon métier. » « Ça a été un très bon métier, mais il n'est plus aujourd'hui ce qu'il était il y a quelques années. »« Enfin, on y gagne. » »« Oui, quand on y est habile, quand on a de bons yeux et surtout quand on n'a pas peur du travail. » De nouveau, il passa à l'inspection de la chambre, s'arrêtant à l'armoire à glace qu'il avait vue pleine de linge quand Angélique l'avait ouverte pour atteindre des petites cuillères. « Voilà la preuve que vous êtes habile, » dit-il. « J'ai de bons yeux et puis l'ouvrage ne m'effraie pas. » « C'est vous qui avez acheté ce mobilier ?»« Mon Dieu, oui, avec mes économies. » « Et elles y ont toutes passé ?»« Oh non !»« Mais ce qui leur a fait le plus grand trou, ça a été la maladie de ma mère. »« Vous avez des parents à soutenir ?» J'ai eu ma mère à soigner. Maintenant, je n'ai plus personne. » Elle prononça ces derniers mots d'une voix émue et avec un soupir. « Pardonnez-moi de vous avoir rappelé des souvenirs attristants. Rien n'est plus douloureux que de n'avoir personne qui vous aime. » Il dit cela, la main sur le cœur, d'un ton grave. « Je ne serais pas juste si je disais que je n'ai personne qui m'aime. J'ai des amis de ma mère qui sont restés les miens, qui pensent à moi comme je pense à eux et qui font ce qu'ils peuvent pour m'être agréable. » Disant cela, elle se leva de table, presque gaiement, et allant à l'armoire à glace qu'elle ouvrit de nouveau, elle en tira un pot de confiture couvert de papier et le servit sur la table. « Voici une preuve de leur bon souvenir, » dit-elle, « un pot de confiture d'abricot de leur récolte. Ils habitent à Nières. Depuis qu'ils s'en retirent les affaires, ils ont un jardin, vous voyez. » Elle lui montra le papier de la couverture sur lequel on lisait en forme de dédicace « Confiture d'abricot, les arbres cultivés par moi, les confitures faites par ma femme, offertes à notre amie Angélique Godard, limonier. »« Limonier, c'est leur nom, » dit-elle en continuant. « Ils étaient les meilleurs amis de ma mère. Comme je n'ai pas l'habitude de manger du dessert et que je ne suis pas sorti ce matin, je n'en aurai pas à vous offrir. Nous allons entamer ces confitures. J'en ai deux pots. Justement, je les aime beaucoup, les confitures d'abricot. Je ne peux pas les servir pour une meilleure occasion. » Elle lui passa une cuillère, et il prit bien à peu près la moitié du pot. Pour elle, elle se fit une petite tartine sur laquelle elle étendit une mince couche de confiture qu'elle gratta avec soin, de façon à l'aménager. « Excellente, » dit-il. « Et vous avez eu la douleur de perdre madame votre mère ?»« Il y a 2 ans, après une maladie de 18 mois. Nous vivions ensemble, naturellement, et il m'a fallu la soigner tout en travaillant, car je ne pouvais pas laisser ma clientèle m'échapper. Et puis il fallait vivre. Ça a été un terrible moment. » Elle s'arrêta, la voix voilée par l'émotion, puis elle reprit. « Elle a été pour moi la meilleure des mères. Nous ne nous étions jamais quittés. Elle m'a appris mon métier, car après la mort de mon père, que j'ai perdu quand j'étais encore qu'une petite fille, il a fallu que je me mette à l'ouvrage. Je l'ai aidée d'abord. Puis, quand sa vue est devenue mauvaise, car nos yeux s'usent vite à nous autres, c'est moi qui ai pris sa place, et elle qui m'a aidée dans ce qui n'était pas difficile. Nous travaillions ensemble, et depuis mon enfance, je ne me rappelle pas un jour où j'ai travaillé, même le dimanche, au moins jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Cela fait paraître la promenade meilleure. Je vous assure qu'on n'est pas difficile. » Le déjeuner était arrivé à sa fin. « Quand j'avais ma mère, dit-elle, c'était elle qui s'occupait du ménage pendant que je travaillais. Cela me faisait gagner du temps. Mais maintenant, il faut que je fasse tout. Aussi, si vous voulez bien, je vais débarrasser la table. » Il fit mine de se lever. « Pourquoi vous dérangez-vous » demanda-t-elle. « Mais pour me retirer. » « Comment vous retirer ? Dans votre chambre, il n'y a pas de cheminée, ce n'est pas possible. » Par ce temps de dégel, vous ne pouvez pas non plus sortir. Restez donc auprès du poêle. Vous ne me gênerez pas du tout pour travailler. Si vous vous ennuyez, vous pourrez lire. Je vais mettre ma bibliothèque à votre disposition. Dame, elle n'est pas riche, ma bibliothèque. » Disant cela, elle ouvrit un petit placard pris dans le mur. On y voyait quelques volumes au dos usé, et surtout des feuilletons coupés au bas des journaux et cousus ensemble. « Voulez-vous Robinson ?» demanda-t-elle. « Paul et Virginie, les trois mousquetaires ? Ou bien la géographie de Maltebrun ? Enfin, vous choisirez. » La table desservie, elle se remit à son ouvrage, c'est-à-dire à faire des reprises dans une pièce de mérinos noire. Pour lui, assis dans le fauteuil, le poil entre ses jambes, il la regardait d'un air encourageant. « Quelle brave fille vous êtes !» dit-il en forme de compliment. « Pourquoi donc ? Vous travaillez ainsi toujours, sans vous ennuyer, ni vous désespérer, et toujours seul ?»« Seul ? Oh, mais non ! Ah ! J'ai gros Milord, et c'est un bon ami, celui-là. Nous ne nous quittons pas. Je parle avec lui, il me répond. Je l'aime, il m'aime, n'est-ce pas, gros Milord ?» Et elle embrassa le chat qui était venu s'établir confortablement sur la pièce d'étoffe, le nez tourné vers celui qui, au déjeuner, l'avait chassé de sa place. De là, il l'examinait en ennemi, et quand il fermait les yeux, c'était pour les rouvrir bien vite avec des roulements de pupilles qui montraient son inquiétude. D'ailleurs, il restait les oreilles toujours tendues aux aguets. « Cependant, il y a une chose qui doit vous attrister, » continua-t-il, « c'est de travailler ainsi toujours dans le noir. Moi, rien qu'à vous regarder, cela me donne des idées lugubres. Vraiment ? Eh bien, je vais laisser là cette pièce noire et prendre une pièce blanche. Je ne veux pas vous attrister. C'est mauvais pour un convalescent. Mais non. Si. » Et vivement, elle fit cette substitution. « Mais cette pièce noire, » fit-il, « je la finirai ce soir, quand vous serez couché. Cela ne fait rien. J'ai de bons yeux. Dieu merci. » Soit que ce changement du blanc au noir l'eût égayé, soit que la digestion de son déjeuner après un long jeûne et la douce chaleur du poêle après de cruelles journées de froid le missent de belle humeur, il continua de bavarder gaiement, ne paraissant plus avoir pour unique souci de prendre des renseignements sur celle qu'il avait sauvée. Cependant, il lui adressa encore une question. « Sortirez-vous aujourd'hui ?»« Sans doute, pour aller chercher notre dîner, car vous dînez avec moi. Mais c'est entendu. Je vous serai alors reconnaissant de me mettre une lettre à la poste. J'avais demandé à une personne de venir me voir, maintenant cette visite est inutile. » Elle lui donna ce qu'il fallait pour écrire. Quand il eut écrit cette lettre, il la lui remit. « Vous voudrez bien la franchir, n'est-ce pas ? Oh, assurément !» Ce fut seulement de la rue qu'elle lut l'adresse. « Madame la baronne de Saint-Hubert, avenue Friedland. »